émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Dinos. Passez une bonne soirée, c'est la deuxième soirée, le deuxième Planète Rap avec Dinos Punchlinovic. Yes. Ça va? Ça va et toi, mec? En pleine forme? Je me suis reposé déjà. Je vois, tu es en pleine forme. Il y a concert ce soir pour les Parisiens aussi. Ouais. On a fait gagner une place hier, si je me trompe pas. Deux places. C'est Samy qui s'appelait, je crois, le mec. Ouais, c'est ça, Samy qui est reparti du 9-4, qui est reparti avec ses places. Ouais, exactement. Bon. Donc bon concert à ceux qui ont la chance d'y aller, de voir Dinos en live. T'as un petit rituel avant les concerts, un petit truc particulier? Manger des grecs, manger des... Non, rien du tout. Rien. Non, je prie, voilà quoi. Rien du tout. Je me transforme en Super Saiyan. Avant de monter sur scène. Ce sera dans quelques minutes pour le public parisien. Sinon, dans toute la France, tu nous feras aussi du live ce soir. Hier, alors, c'était incroyable hier. Le bail de jazz là, le bail d'MPC là. Hier soir, si vous n'étiez pas là, vous avez tout loupé. Hein. Il était trop sérieux, jazz. Tu connaissais pas les instruments, on va rappeler un peu le concept. C'est-à-dire que jazz qui était. Ouais, il m'a ramené sa machine. À la programmation. Sort de MPC. Mmh. Et il faisait des prods en live en fait. Et je devais freestyler dessus. Et le truc, c'est que c'était des prods que je connaissais absolument pas. Et voilà quoi, il m'a mis en danger. Voilà quoi. Et bah le résultat, ça donnait ça. On va réécouter un petit bout d'hier soir. On est au-dessus des lois, yo, vous êtes en dessous des tables. On est là pour faire du bif, là pour faire du sale. On est au-dessus des lois, yo, vous êtes en dessous des tables. Check moi, yo. Oh, namasté, quad 9 PD. Tu me regardes d'être haut, maintenant tu me regardes à la télé. Fêlé, je t'en mets la main à mes pires ennemis. Aujourd'hui je mange au grec avec la tune de Vivendi. Tapane sur les brelets de ses fils de. Je rage du feu, je marche avec des dragons comme un skieur. Je flingue ref, méfiez, vous de ma team. Dans ma jungle, je règne les troupes s'agitent avec plein de ref. Je fêterai mon anniversaire une fois tous les 4 ans comme si j'étais né un 29 février. Lorsque la lune apparaît, c'est là que j'écris mes textes. C'est là que mes rimes se déversent. Je m'évade, je récite mes vers. Frère, les 6 mois sont passés, je parle mandarin. La vie me laisse impuissant et le Viagra n'y changera rien. Égorge ta meuf chez les parallèles et Aïd Mabrouk. Oh, je crois que ma médium a perdu la boule. Pas le temps pour la frime. Je leur ai dit que je voulais être rappeur. Ils ont cru que c'était un poisson d'avril. Voilà, c'était hier soir dans l'émission. L'intégralité du live est dispo sur skyrock.fm en image. Planetrap.skyrock.com. C'était un super moment en tout cas pour cette première soirée. Ce soir, le défi va être relevé une fois de plus. Mais alors, pas le même principe. Là, tu connais les instrus a priori sur le live que tu feras tout à l'heure. Exactement. Des bonnes petites phases B que Richie va nous balancer. Richie qui a bossé avec toi sur l'album, enfin sur le projet, sur l'EP. Sur l'EP, il a fait la majeure partie du EP avec Blastar, qui n'est absolument pas là ce soir et qui, je sais pas où est-ce qu'il est passé, il devait venir. Mais je crois qu'il a eu une galère, donc voilà. Blastar et Richie, c'est ceux qui ont fait la majeure partie des beats. Et voilà quoi. Et c'était un travail d'équipe et. EP Apparence qui est digitalement dans les bacs, on peut le commander maintenant et vous l'avez tout de suite à la maison. Hop, il suffit de cliquer. Vous repartez avec le EP Apparence. On va écouter un extrait pour débuter, le fameux. Attends, regarde. Le fameux. Inspire. C'est comme s'il y avait un H dans ta gorge. Tu vois, c'est ça. Pow. En fait, comme si après le H, il y a un H. Bon, vas-y, annonce-le. Mais... Dinos Punchlinovic et ça fait. C'est beaucoup mieux quand tu le fais. Frère, c'est mon morceau en même temps. C'est pour ça en même temps. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Ça fait pair, pair, pair. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Pair, pair, pair. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse sans air. Le jour d'après, je la laisse sans air. Le jour d'après, je la laisse sans air. Je le jour d'après, je la laisse en pair, pair, pair. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Pair, pair, pair. Je m'endormirai sur son boule. Ah, dans 6 mois, je change de pays. Je suis à deux doigts de m'ouvrir les veines. J'en ai ras le bol d'être un génie, chérie. Je ken des Carolines et des Charlottes. Je suis en Shaolin, je veux des Shaolin, pas des Shaolin. Même sans bave, ne jamais passer aux aveux. Ma mère, je pourrais vendre des lunettes à un aveugle. Veulent me tirer les verres du nez comme si j'étais Imhotep. Négro, c'est quoi les bails, c'est quoi les hypothèques? Je me dépanne NK, nique le futur. Je veux retourner dans le passé, ken sur capote sans attraper le dard. La cour ne chame la zizanie. On a de la beuh plus épaisse que les sourds, sud d'Adil Rami. Je m'endors sur les étoiles. Je veux devenir charpentier, j'ai tombé faire des chèques en bois. Faire des chèques en bois. Les gros te fâchent pas. Je kiffe écouter ton CD quand mes ans ça te marche pas. Y'a 12 mesures de guerre, concurrence à terre. Les gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de converse. Ma paire de converse, m'appelle pas mon frère. Sinon, je te coupe les bras, je te force à faire la quenelle. Y'a père. On est dedans, on est dedans, on est dedans. Les gros, on est dedans. Je me sens élan, je me sens les bras, je me sens guélan. Je me sens élan. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Check. Le papa d'amitié, je suis là pour faire de l'oseille. Je sers que des avions, je crache du kérosène. Rap sur un tas de merde. Parfois j'écoute mes sons et je me dis que je suis trop fort. La putain de sa mère, tous ces négros je les tue. Je ken comme un malade, je veux pas ton fun tel. Mais ton numéro de sécu, des pargues et des taspés. Mais ta meuf sur instrumental, tout le monde l'a kické, c'est une phase B. J'ai perdu la tête, mais c'est pas m'étrangler. T'es ridicule comme un vampire avec des dents d'lait. Dans le métro sans mi-père, je croise des groupies. Tête baissée, j'émule un coup de fil. Si je vois un contrôleur, je me transforme. Je mets une balayette en disant please my nigga, go to the train at the platform. A vrai dire, je la fous à ta place. En roleplay dans la cuisine, Hakuna Matata. Faire le full over jamais. Full over jamais. Et gros, je suis dans sa jeu d'or. Pendant que tu l'attends devant le Footlocker de Châtelet. Footlocker de Châtelet. Footlocker de Châtelet. Et gros, je suis dans sa jeu d'or. Pendant que tu l'attends devant le Footlocker de Châtelet. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Pow. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Pow. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Pow. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Dinos Punchlinovic à l'instant sur Skyrock entre 20h et 21h toute la semaine dans Planète Rap. C'est extrait du EP Apparence qu'on peut télécharger tout de suite maintenant. Allez, cliquer. Légalement, non, je l'ai. Bah, comme tu veux, hein. C'est pour toi. C'est pour toi. Achète, frère, achète. Dinos Punchlinovic à l'instant sur Skyrock. On va écouter évidemment d'autres morceaux. Il y aura du live tout à l'heure. Un petit mot aussi sur la façon dont t'écris, toi. Quotidiennement, ouais. C'est quoi? Oui, justement, de manière quotidienne, t'as un petit cahier. C'est compliqué comment j'écris, en fait. C'est très instinctif. En fait, la plupart du temps, c'est quand dans la vie de tous les jours, en fait, tu peux dire un mot, je vais me penser à un autre mot et ça va faire plein de trucs dans ma tête. En fait, il y aura une sorte de splash dans ma tête et c'est comme ça que j'écris en général. Et c'est comme si j'avais un stock de phases et parfois j'ai des thèmes et toute la journée, en fait, je pense aux thèmes dans ma tête. C'est comme si j'écrivais dans ma tête pendant toute la journée. Et après, quand j'arrive en studio, je réécris. Ou bien je suis en studio, j'écoute ce que le beatmaker fait, j'écris en même temps, je pense, et voilà quoi. Il n'y a pas une manière particulière, ça peut arriver de plein de façons. c'est plein de fois. Avant, parfois tu peux avoir le son, parfois non. J'écrivais beaucoup dans ma tête à une époque, mais le morceau dans ma tête, par exemple, je l'écris dans ma tête. Et c'est un morceau qui est sur le EP, celui-ci, dans ma tête. Ouais, on le passera tout à l'heure. Ah bah on va le passer dans quelques minutes. Il y a Namek aussi qu'on doit passer. On va passer Namek avant, je pense. On va passer Namek maintenant. Ouais. Et bah tiens, on en parlera d'ailleurs dans ma tête, loupez pas justement. Mais ça, c'est un morceau donc voilà qui est venu et que t'as retranscrit. Je l'ai écrit dans ma tête, je sais pas. C'est retranscrit vocalement, en fait, c'est-à-dire que t'as pas eu besoin de dans ma tête, le truc c'est que j'ai fait un yaourt avant de l'écrire. C'est-à-dire que j'avais déjà le morceau dans ma tête. Et c'était trop facile à l'écrire en fait à l'intérieur de ma tête sans noter sur feuille. Et on l'a dit hier un petit peu, c'est vrai que toi t'as eu aussi une visibilité par les Rap Contenders. Ouais. À l'époque c'est quoi, quand on va dans Rap Contenders, on a forcément plein de punchlines qu'on met de côté, non? Bah en fait c'est pas que de l'impro non plus. Bah c'est pas de l'impro, c'est de l'écriture et de l'impro par derrière. Non, homo, je suis désolé comment j'ai dit ça. Par derrière. Tu connais ton adversaire. Et ensuite t'écris. Et lorsque t'es sur le... C'est un combat de boxe en fait. C'est un combat de boxe. Et lorsque t'es sur le ring, bah tu sais, un boxeur il regarde les matchs de son adversaire. Mm-hmm. Il sait comment il va frapper son adversaire. Et peut-être que pendant le match il va avoir une faiblesse. Et bim, il tape là où ça fait mal. Et c'est exactement la même chose. C'était un bon exercice en tout cas. C'était marrant à faire. Ouais, c'était marrant. Ça plu. C'était cool. C'est sur Skyrock entre 20h et 21h. Dinos, on écoute le morceau Namek maintenant. Posé sur Namek. J'arrive à le prononcer assez facilement, donc ça va. T'es bon, frère. Ouais, je sais, ça commence à venir. Et on est que mardi, hein. On est que mardi, c'est vrai. Dinos, le P apparence. Sur cette merde. Mesures de guerre, concurrence par terre. Les gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air, je m'almène le rap game. Si je fais disque d'or, je rachète le grec de ma thèse. À l'aise, ma man, j'éclate les wackens. Si, meilleur Renoir, je m'appelle Jules, je suis né par césarienne. Né par césarienne. Vos langues se transforment en moltonnelle. Je passe mes vacances sur la lune Apollo 13, où je me bats en croisière. Me bats en croisière au Langaro sous le casino, où je touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la Benz. Mets du son dans la Benz. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Je m'applique et je kick sec. Ma rime se disperse. Je gagne le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Moïse. On agit pas les nerfs. Merde, je le répète pour 4-5 frères. Le savoir est une arme. J'ai un bac plus 3-5-7. J'ai le ballon comme Piccolo. Ils sont verts comme des Namek. M sur le front, je suis l'héritier du trône des Saiyens. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagwell. Depuis, je suis comme Zidane. J'ai plus donné de la tête. Avant de parler de rap, bien me déclare-toi l'assassin. J'suis peut-être sur detox, mais tu le sauras jamais. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Dinos Punchlinovic avec nous toute la semaine entre 20h et 21h avec le P apparence. Et ce morceau, Namek, c'était un des premiers, celui-ci, hein, que t'as balancé, je crois. Et c'est le premier qu'on a enregistré avec Richie. Mmh. Il a fait la prod, tous les bails. Elle finit pas ma connaître, frère. Le mec. Ah, frère, je crois que t'étais quelqu'un de bien là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu dois partager si tu es quelqu'un de bien. Oh, frère, je partage, mais finis pas ma canette. Frère. Ah, bah, elle revient tout de suite. Regarde la canette. Voilà, elle est de retour. Elle est vide, frère. Elle est vide. Ah, dommage. Qui va à la place, perd sa canette. Bon, le morceau Namek, ouais, c'est un des premiers que t'as enregistré, celui-ci. Ouais. Avec pareil, plein d'images. C'est vrai que le style de Dino, si on devait le décrire, c'est quoi? C'est pas mal d'images. Ouais. Fortes. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, exactement. C'est bon, en fait, on l'a fait, on était en studio avec Richie. Je lui ai demandé de me faire. Tu sais, il est là, je peux introduire Richie. Mmh. On est sûr. Je lui ai demandé de me faire une prod aérienne, tu vois, dans le même esprit, mais c'était pas ça, pas le même BPM et pas du tout ça, en fait. Et en fait, en cherchant ses instruments, il est tombé sur la flûte, tu vois, espèce de flûte. Ouais. Et je lui dis, quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'avais caché? C'est quoi ça? Il commence à faire les notes. Et je lui dis, non, fais comme ça. Il commence à faire des bails chauds. Et puis il s'est mis à la rythmique, les bails de sub, tout ça. Et j'arrêtais pas de répéter, poser sur Namek. Et je sais pas pourquoi on a fait ça comme ça. Richie, tu témoignes, c'est ça, c'est la vérité absolue? Non, il ment un peu. Ah. Il ment fort. Je me disais aussi, c'est trop beau. L'histoire est trop belle. On était ensemble, on a fait la prod ensemble. Donc ouais, j'ai commencé par la flûte, il a kiffé. Après, c'est vrai qu'il a donné quelques directions parce que voilà, c'est son morceau. Mais voilà quoi, ça s'est bien passé. C'est dur à bosser avec Dinos ou pas? Bah, mort de rire. C'est compliqué, faut déjà qu'il arrive à l'heure. Oh, attends. Si c'est ça, tu sais que quelqu'un de bien, c'est un morceau qui a failli ne pas exister. Parce que tu te souviens ou pas? C'est quand tu devais partir à Atlanta. Ouais, on avait rendez-vous au studio dans l'après-midi. Ouais. Je suis venu dans l'après-midi. T'avais oublié qu'on est studio. Je pense que là pour l'instant il y a un zéro. Il m'a dit non, je suis désolé gros, vraiment. Viens à 19h. Je suis arrivé à 19h. Il avait encore oublié, frère. Il était à Atlanta. Il avait encore oublié. Et je voulais rentrer après. Il m'a dit non, vas-y, j'arrive. Et c'est là qu'on a fait quelqu'un de bien, frère. Et je sais pas si c'est quelqu'un de bien. C'est 1-0, donc c'était un deuxième dossier pour avoir le 1 partout. Il a voulu me kill tous les balles, frère. Bon, toi, Richie, un petit mot par contre, le CV Express, t'as bossé avec qui? Avec Dinos? Dinos, Rimka, Joke, là, qui va sortir à Teyaba, là. Le 2 juin, ouais. Yeah, le 2 juin, McTayer, Niro, bon, un peu tout le monde. Et tu le connaissais un petit peu avant, justement, de bosser avec lui? T'avais... Ouais, si, j'avais entendu son morceau Namasté, j'avais bien aimé. Il est fort, ouais. Bon bah, merci. L'entente a été plutôt bien puisqu'il est là encore ce soir. Richie, c'est lui qui balancera les sons tout à l'heure. Ah, c'est parce que c'est mon DJ aussi. Lorsqu'on fait les scènes, mm-hmm. Il fait les bails chauds, des bails de scratch, des bails de des coups de gun fort qui font mal. Et ben on écoutera les coups de gun fort tout à l'heure parce que il y aura du freestyle aussi par téléphone. On vous attend, inscription 41759 pour venir rapper dans l'émission par téléphone. Ah, right. Et bougez pas, on retrouve Dinos dans quelques minutes sur Skyrock. C'est Planet Rap. 21h sur Skyrock. Comme toi, Dinos a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Dinos Punchlinovic. Il est là tous les soirs entre 20 et 21. À pas louper sur Skyrock du live qui se prépare dans quelques minutes. Vous aussi, freestyle par téléphone et on est promis un morceau. Extrait du EP Apparence. Déclenche l'alarme. Tu veux dire un mot pareil sur le son, sur la façon dont est né ce thème, titre? C'est un thème que j'avais en tête depuis genre, ça doit faire 4 ans que je l'ai en tête parce que j'ai toujours voulu raconter une journée d'école. Tu sais, les conneries, quand le prof de philo, il te demande c'est qui Socrate, tu réponds McTayer. On le faisait souvent, nous, mais on était dans les mêmes écoles, en fait. Ouais. Vu que t'étais à Vallon. C'est vrai. Et qu'après, t'étais Henri à Delacroix. Ça, c'était à Aubervilliers. Ouais, et à Delacroix. Et après, aussi, c'est Drancy. J'ai fait les deux. T'as pas retrouvé mes traces? Ça remonte un peu loin. Car c'est des ossements, tes traces. Salaud. Hein. Peut-être qu'on est des profs en commun. Ah ouais? Non, je pense pas, frère. Ils sont à la retraite ou ils sont morts. Arrête tes conneries, t'as. On n'est pas dans Rap Contenders. Tu me prends pas en face à face. Hein. Okay. Mais c'est vrai qu'on a fréquenté, oui, les mêmes endroits, forcément, parce que toi, tu viens de la Courneuve. Ouais, moi aussi. À la Courneuve aussi. Ouais, avenue Ribarbus. Ah ouais? Moi, je suis à côté de Barbus. Moi, je suis à Verlaine. Juste à Saint-Langros, en fait. Juste à côté de. À Gars. Eh oui. Les vrais boys. Et t'as pas été au collège Pulitzer? Non, j'étais à Jean Villard parce que j'ai, en fait, de base, je viens des 4000, de base, j'ai grandi au 4000 et c'est après Jean Villard. Ouais. Moi, j'étais à Pulitzer, ensuite, en effet, Henri Vallon, Aubervilliers avant de me faire virer et de finir à Delacroix. Moi, je me suis fait virer de Delacroix, plutôt. Ah, t'as fait le choix, toi, ouais, l'inverse. Bon, ça a dû passionner la France entière, en tout cas, je te remercie parce que, merci Dinos, c'est vrai que c'était des bons petits souvenirs, il y a quelques années de ça. En tout cas, en ce qui me concerne. Toi, t'as été jusqu'où? Jusqu'à Master. Waouh! Master en quoi, en connerie? Mastermind. En Mastermind? Bonne celle-là, Mastermind. En Mastermind. Non, c'est vrai, les cours jusqu'à. Bac BTS. Bac BTS? Ouais. Que t'as tout eu? Non, j'ai arrêté au BTS. Bon, mais le bac, tu l'as? Le bac, je l'ai eu, les doigts dans le nez, frère, c'était trop chaud. Ouais, mais moi, à l'époque, c'était beaucoup plus dur. Quel mytho. C'est peut-être l'époque des fossiles, mais c'était beaucoup plus dur que toi. Quel mytho. Bon, Dinos, avec nous, on écoute donc ce morceau maintenant. Donc, on va se souvenir de ces périodes lycée-bahut, puisque le morceau s'appelle « Déclenche l'alarme ». Déclenche l'alarme. C'est reparti pour une journée pendant laquelle je ferai le gamin. En attendant, je suis en retard comme tous les matins. Mais je m'en sors toujours avec des disquettes de bar. Genre, ce matin dans le douce, on nous a tous pris en otage. Avec l'école, ma relation est étroite. Si je crois je suis ta gore, il va se manger une droite. Jamais vu, règlement intérieur, de quoi tu me parles? Même le proviseur l'a jamais vu. La cantine est dégueulasse, je suis jamais dans mon assiette. Encore une fois, j'ai confondu une cour de maths avec ma sieste. Je suis grave ailleurs. Le prof de philo a demandé qui est Socrate. Moi, j'ai répondu c'est Mac Taylor. Longtemps à tricher avec un tas de rapacieux. Les derniers seront les premiers, carapace bleue. J'irai pas en maths, j'essaye de baisser le prof. J'aime pas le théorème de Thalès, mais je crois que c'est réciproque. Oh, des cours de maths, des cours d'histoire qui dans la vie ne me serviront peut-être même pas. Tout ce que je sais me barrer de là. Déclencher l'alarme et rentrer chez moi. Déclenche l'alarme, déclenche l'alarme, déclenche l'alarme. Déclenche l'alarme. Lundi, c'est la merde. Mardi, c'est la merde. Mercredi, c'est la même comme tout le reste de la semaine. Lundi, c'est la merde. Mardi, c'est la merde. Mercredi, c'est la même comme tout le reste de la semaine. Faut pas que ma mère trouve le courrier des absents. Je me sens exclu, je suis en permanence en permanence. Les gens qui s'envasaient le matin, c'est tout ce que je déteste. On tente plus être au lycée juste pour les cours de PS. Le prof disait que je suis passif et faut que je m'applique. On faisait agro-sport, le genre de truc qu'il y a même pas aux Jeux Olympiques. En cours, je m'ennuie, mais je sais pas non plus quoi faire chez moi. Je me fous tellement les pouces que je vous bats tous au bras de Perchil. Y'a des groupies dans la cour qui marcellent, j'ai peur. Ma prof de français ressemble à Arsène Wenger. J'en ai entendu une bonne, faudrait que je la répète. Après le bac, tu vas faire quoi? Faudrait que je fasse une fête. Des cours de maths, des cours d'histoire qui dans la vie ne me serviront peut-être même pas. Tout ce que je sais me barrer là. Déclencher l'alarme et rentrer chez moi. Déclenche l'alarme, déclenche l'alarme, déclenche l'alarme. Décroche l'alarme, décroche l'alarme. Lundi, c'est la merde. Mardi, c'est la merde. Mercredi, c'est la même comme tout le reste de la semaine. Lundi, c'est la merde. Mardi, c'est la merde. Mercredi, c'est la même comme tout le reste de la semaine. Tous les jours la même chose. Aïe, le courrier d'absence déborde de ma boîte aux lettres. Shout out à Model K qui fait les voix derrière. Tous les jours la même chose. Aïe, le courrier d'absence déborde de ma boîte aux lettres. Vous prenez pas la tête. Tous les jours la même chose. Ouais. Tous les jours la même chose. Ne prenez pas la tête, non. Ne prenez pas la tête. Aga. Des cours de maths, des cours d'histoire qui dans la vie ne me serviront peut-être même pas. Tout ce que je sais me barrer de là. Déclencher l'alarme et rentrer chez moi. Déclenche l'alarme, déclenche l'alarme, négro. Déclenche l'alarme, déclenche l'alarme, déclenche l'alarme, déclenche l'alarme. Déclenche l'alarme, extrait du projet Le EP Apparence de Dinos Punchlinovic avec nous tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Dans quelques minutes, tu auras du live avec toi, Dinos. Okay, ça va, on dirait que tu vas t'étouffer. Non, c'est parce que j'ai bu trop vite tous les bails. Ça va? C'est tout... toi, tu me jettes des sorts, tout. Ouais, que des bons sorts, rassure-toi. Aga. Quelqu'un de bien. Tout comme Yanis, qu'on accueille maintenant de Sartrouville. Salut Yanis. Ouais, ça va quoi? Ça va et toi Yanis? Ouais, tranquillement. Dinos, bien quoi? Ça va quoi mon pote? Ouais, tranquillement. Tu as entendu ça sale ou pas? Ah, j'espère, hein. Tu vas me faire. On va voir ça. Bon, Yanis, toi, tu as suivi justement l'actu de Dinos. Tu connais un peu le bonhomme? Ouais, bah ouais, lourd, hein. Merci mon pote. D'ailleurs, ça raconte un derby, gifler les gens. Merci mon pote, ça tue. J'espère que tu vas gifler le micro ce soir. Et bah, t'écoutes maintenant, Yanis, session freestyle par téléphone, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Ok. 1. Y. A. N. I. S. F. 2. L. Ok. 1. Cartouville Boy. T'as de l'ombre. Ombre. Biat. Ok. Check. 1. Ok. 1. 1. Alcool entre les deux coups, il va ma devient de défis, il va mort car après l'emprise de l'alcool fait blinder. Mais toi tu ne l'es pas, j'avoue, c'est facile de parler les mêmes accents quand t'assumes. On passe dans la donatrice où t'es ta équipe, t'assure directement, arrête de brailler. Pas d'amis que des tiraillés, train de vie, coca, il blanche à toi, ma dieu, t'es l'idiot déraillé. Ne tiens pas volant quand je conduis ta verre, t'es dans le tu mais jamais à l'air. C'est la BD, ça dit dans mes textes que jouer c'est fait tout seul, j'suis pas la délire. L'air, sache qu'on se faire ce crâne. Même si t'es pas des vifs, qu'on les qu'on détire, je sens pas les vacances, c'est toi qui me vise remplir. D'autres tu ta voix plus plein avec ton poids, monnaie. J'ai le cheval cabré, sur le cerveau, toi tu n'as que le bonnet. Quels sont des gros bonnets qui tient malgré les circonstances. T'es bien d'évoluer tous les ans personnellement. Je sais être content dans des circonstances illicites. C'est sûr que je me suis incarcéré. Négro, mon troisième voix rouge dans une meuf qui a encore tiré. Biat. Ok Yanis, à l'instant de Sartrouville en lourd, freestyle. Merci lourd, à toi lourd, Yanis. Lourd, lourd, mon pote. Merci, continue, merci, lâche pas l'affaire. Merci. Merci à toi. Petit dédicace, on peut te retrouver sur le net, vas-y, on t'écoute. Ouais, mon Twitter c'est YanisF2L. Il y a un gros morceau qui va sortir là en fin de semaine qui va s'appeler BLVCK avec mon pote Hamzon de Colombe. Et voilà, il y a plusieurs morceaux qui vont être mis en ligne de temps en temps. Et voilà quoi. Et ben on suivra ça, merci à toi en tout cas Yanis. Et petit dédicace. Et ben on t'écoute, ouais, vas-y pour les dédicaces. Petit dédicace à Sadjo, à Akimo, à Tino, à mon petit Ruffney, ma petite Mifa, ma daronne, mon daron, voilà. Grosse dédicace à Sartrouville, au vieux pays. On vous oublie pas, c'est les frères de l'ombre, c'est l'Inter Trouville. Et ben merci à toi Yanis, à l'instant freestyle dans l'émission. Autre freestyle maintenant, c'est monsieur Dino Spenchlinovic. Est-ce que Richie est prêt aussi? Richie est toujours prêt frère, c'est pas une question à poser ça. Ah bah alors écoute, je vous laisse faire hein, tous les deux. C'est parti. Ya ya, check. Tous les scars crient mon nom, punchline no, vite je viens kicker mon nom, présenter mon nom, je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde, MC crie mon nom, hey, ils vont tous respecter, décédé, les négros m'appellent Ginos, les billages m'appellent en PCV, je kick avec mon gang et le camp frérot, regarde mes perspectives, hey yo, je suis Michelangelo, à 2 000 lieues sous la mer, tous les négros m'appellent Jules. Moi je joue son boulet, crois que je vais devenir son Jules. J'ai rien contre les crosses volées, mais mon frère m'appelle pas Jules. J'ai la gueule plus à naissance, c'est pour ça qu'on m'appelle Jules. Parce que je suis le meilleur de ma branche, ouais. Un négro cartésien, mais je pète les plombs. Comme Barracuda dans l'avion malaisien, je le perturbe et je perds, genre boy. Je percute, appelle-moi Tiger Woods perdu. Pendant la guerre du Golfe, trop d'avance pour mes 20 ans. Appelle-moi Amy, Jimmy, Jim ou Kurt Cobain. Je vais peut-être mourir dans cette piste, même si je suis pas redouté. Appelle-moi Kenzie, t'es KO par terre, je suis KO de paix. MC, Marc Dorcel avec les sous-titres, je dégoupille, ah s'il y a les cœurs, m'appelle pas Renoir, je suis né sous X. Si j'étais toi, tu voudrais rapper avec moi, mais ne le fais pas, tu ferais froisser si tu rappais avec moi. Genre je suis Rocky et toi Adrien, minus, Pavel Nedved, 64ème minute. Tous les négros trouvent mes textes lourds. Les rages vont tomber comme s'ils se tenaient sur le poignet de Ace Hood. Et quand je rappe, toutes les têtes bougent. Je bouge des escourdes, appelle-moi Crips parce que je fourre que des snakes rouges. À vrai dire, je m'en bats les steaks. Je fous le bordel dans leur foufougnant. M'appelez plus Crips, appelez-moi Harlem Schneck. Puis je m'endors avec un tas de nana. 4 kalash, mon style des couteaux. Appelle-moi Dolce Katana. M'utilise pas sans check la notice. Appelle-moi le meilleur, appelle-moi Dino Punchline. Crie mon nom, Punchline Novi. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. Même si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio. Tous les scars crient mon nom, Punchline Novi. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. Comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom et Chimio, Chimio, yo. Yeah. Richie, tu peux mettre du putain de lunatique là? Yo, yo. Yo, négro. Ok, apparence. Ok. J'suis de retour, négro. J'écris mes textes au clair de la lune. Sauf que je m'en branle de ton ami Pierrot. Frérot, le temps court comme Christina Ron. Dur de faire des projets carrés lorsque t'as pas un rond. Des pensées odieuses, ça sent, ça se voit. Mon oreille si je crois que la faucheuse pense à moi. Mais je profite de la vie, la mort et son couloir, mes frères. Je suis insomniaque, mon seul rêve c'est de pouvoir rêver. La nuit je m'exile les yeux ouverts, englouti dans mes draps. Cherchant sommeil, c'est Morphée qui s'endort dans mes bras. Je perds flipper avec des propos d'art. Les mecs sont pas tous les mêmes, c'est juste moi qui suis un gros connard. Des désirs suspects dans ma tête, y'a un tas d'idées. Mais je crois que la terre est ronde comme Orelsan ou Galilée. Une rage de canidé, je suis validé garçon. Je fais que câliner, manier les allitérations. À quoi sert de s'appliquer de façon. Je finirai dans le ravin, je suis au fond du trou. J'attends que Jamel Debbouze me tende la main. Hier ils m'ont rejeté, aujourd'hui chez moi ils veulent s'abriter. Pas de pitié, c'est Dr House qui se fout de la charité. Je suis dans le bizarre, dur d'avancer. Je m'appelle Jules, je mange du porc et je suis le futur du rap français. J'essaie de changer, de m'adapter. Mais je suis habité par la 14e lettre de l'alphabet. Je suis dans le bizarre, dur d'avancer. Je m'appelle Jules, je mange du porc et je suis le futur du rap français. J'essaie de changer, de m'adapter. Mais je suis habité par la 14e lettre de l'alphabet. Ayo Richie, balance notre salve. Qu'est-ce que t'as en stock? Putain, t'as pas fait ça. Putain. Ok. Ok. Cette merde est putain de chaude. Ok. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Negro. Jir. Deep, deep. Punchline au 7-7. J'écrase ses victimes comme des insectes secs. Je suis à la Courneuve. Passe me check check. Deep set, deep set, deep set, deep set. Ah, Dinos, deep, deep. Punchline au 7-7. J'écrase ses victimes comme des insectes secs. Je suis à la Courneuve. Passe me check check. Deep set, deep set, deep set, deep set. Okay. Je crois que je suis devenu borderline. Je suis parti voir mon prof de maths du lycée. Jean Roussop. Aujourd'hui, moi, je contrôle le mic. Je montrais mes contrats comme merci. C'est grâce à toi, négro. T'étais le premier à m'avoir dit que dans la vie, je joue avec des zéros. Après, je suis devenu fou, ma mène. Fou, ma mène. Fou, ma mène. Je suis trop pour vous, négro. Je suis sur la tour de Babel. Toute la semaine, toute la semaine, j'écris des textes. Je roule en ville entre tes jambes comme Dad Nature ou tente ta gorge comme une angine. Bitch. Rendez-vous à 9h, j'arrive à midi 10. Même le jeu, je crache le feu comme si j'avais la syphilis. Je suis plus grand des psychopathes que la terre est portée. Si je veux, je baisse ta mère et je la fais avorter. Peur de personne, comme si j'étais éternel. C'est quoi le fuck, les mecs ont pris 6 mois et se prennent pour pernel. Tu crois que tu serais meilleur si tu rappais plus fort. Quand tu me vois, tu bégayes comme Walter Junior. Je veux enterrer des teams. Je suis un gros gamin, j'écris des textes matures pour fourrer des mille. Je suis le mec le plus hardcore depuis Hitler. Je suis né à vendredi 13 sous l'échelle de Richter. Dinos, deep, deep, punchline au 7-7. J'écrase ses victimes comme des insectes secs. Je suis à la Courneuve. Passe-me, yo Luigi, t'as un pas ou quoi? 7-7, négro. Luigi, Luigi, capsule corps, négro. Narvalo, Narvalo, Narvalo, Narvalo. Ça fait des années que le rap français n'est grave pas beau. J'attrape des juments tous les jours, pourtant j'ai pas de lasso. Je vois pas la concurrence, y'a pas de rétro sur un char d'assaut. Mais ils ont pas les dents pour. Ils veulent tous rapper parce qu'ils ont peur de retourner en cours. Je suis la base imbécile. Fais pas comme si t'étais sourd. Je m'agenouille devant personne. Tu me verras pas au pied des tours. Chaffe en silence. On avance peu en parlant trop. T'achètes les vues, les followers. Mais t'achètes pas talent gros. Elle me trouve mignon, charmant, galant beau. J'ai fait hurler de plaisir comme si je m'appelais Zalando. On prend le bif, on s'arrache. Y'a pas de salut, comment ça va? Tu réussiras jamais dans la vie si t'es trop sympa. Bobby, Bobby, retiens ça. Bobby, Bobby, retiens ça, m'entendre rapper, c'est comme la mort. Quoi qu'il arrive, t'en reviens pas. Elle me regarde de haut en bas, paye son torticoli. Tant qu'elle s'est pas penchée ni cambrée, je fais genre je suis poli. Ils me font des sourires, mais ils ont tous les dents qui jaunissent. Je vais leur apprendre à bien parler. Premier rappeur orthophoniste, hein. Ok, Dinos, deep, deep. Punchline au 7-7. J'écrase ses victimes comme des insectes secs. Je suis à la Courneuve. Passe me check, check. Deep set, deep set, deep set, deep set. Dinos, deep, deep. Punchline au 7-7, j'écrase ses victimes comme des insectes. Je suis à la Courneuve. Passe me check, check. Deep set, deep set, deep set, deep tier. Fin. À l'instant en live, Dinos Punchlinovic, présente-nous un petit peu qui t'a accompagné sur ce live, Dinos. J'ai ramené mon négro Mo, j'ai ramené mon négro Luigi. À base, négro. Avec qui j'ai commencé à rapper il y a très longtemps. Donc voilà quoi. pour un bienvenue à vous. Pour un messieurs. Petit 16 mesures. Ils t'accompagnent aussi sur scène, on peut les retrouver avec toi. Ouais, tu peux les retrouver, Luigi Alexis sur Twitter et sur Facebook. Et bah allez cliquer, allez retrouver justement Dinos aussi. Dinos qui sera en concert là du côté de Paris. Il y a d'autres dates de prévues aussi pour toi, Dinos? Ouais, tu les as dans ma tête. Non. Pourquoi? T'as envie de balancer dans ma tête là? Bah j'ai envie de balancer dans ma tête. On va terminer l'émission avec dans ma tête, je pense. Et alors. Bah ouais, on va avoir le temps de finir tranquillement. Peut-être dire quand même un mot pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Dans ma tête, il est né dans ta tête. Dans ma tête. Bon, en fait, ce morceau-là, il a une histoire particulière. C'est que c'était une prod de Blaster, tu vois. Et Oumar m'a envoyé la prod un soir, il devait être genre 3-4 heures. Et m'a dit pose sur ça. Et je lui ai dit que j'arriverai pas à poser dessus. J'aime pas la prod. Ça m'inspire pas grand chose. Et il m'a dit, y a pas des trucs qui se passent dans ta tête, que des trucs bizarres qui se passent dans ta tête avec un thème comme ça. Et puis j'ai pensé à tout ce qui se passait dans ma tête. Et alors là. Et les trucs que t'as pas envie de dire, tu sais, les trucs genre quand tu proposes à manger à quelqu'un en espérant que la personne elle va refuser. Tu vois les bails comme ça. Quand tu proposes une canette et tu proposes pas, on te la pique d'ailleurs. Ouais, voilà. Quand tu proposes ta place à une personne âgée en disant putain, j'espère elle va dire non. Elle va dire non, putain la vieille. Et puis finalement non, la vieille s'assoit. Et ben, je fais, ouais, ben, venez vous asseoir. Mais en vrai t'es vénère de feu dans ta tête, frère. Et le morceau c'est que des bails comme ça. Des petits diablotins d'un côté et de l'autre en fait. Il y a l'ange qui te dit ouais, t'es quelqu'un de bien, laisse ta place. Les bails. Et l'autre qui dit tu vas pas laisser la place à la vieille. Tu es comme ça. Des trucs comme ça, donc voilà quoi. C'est mais ça tu l'as vraiment eu entièrement, c'est-à-dire que quand t'as posé, t'avais pas de feuille papier, rien si tu veux. Tu as quand même après retranscrit sur papier. Je crois que je l'ai retranscrit sur mon téléphone. J'ai retranscrit certaines phases sur mon téléphone pour me souvenir, je crois, et puis c'est tout. Hein. Et bah en fait, de base, comme je te disais, Oumar m'a envoyé le truc, je lui ai dit non. On est rentré en studio et je lui ai dit non. Et quand on est sorti de studio, j'ai dit ah ouais. Dit oui. J'ai dit ah ouais, il y a un truc qui est sérieux dans ce. Il y a un gangstérisme dans ce morceau. Prod de Blastar. Blastar. Un négro de la team qu'on ne présente aussi. Plus qu'on ne présente plus qui a signé des centaines et des centaines de titres. Il fait des trucs tellement chauds, ouais. Donc voilà, il m'a fait fuck ce truc aussi. Et Destin commun avec qu'on a fait avec Némir sur le projet. Ou Némir chante d'ailleurs. Némir chante. J'espère qu'il pourra être là cette semaine, Blaster, parce que voilà, c'est une légende, Blaster. Tu le vois pas, il apparaît, il disparaît, tu vois. Et ben peut-être dans la semaine, faudra suivre tous les soirs entre 20 et 21. Ça, et ouais. Là on écoute ce morceau maintenant qui s'appelle Dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Négro. Je suis comme un bandit cerné qui n'a plus rien à perdre. Personne n'a vraiment idée de ce qui se passe dans ma tête. Non, m'appelle pas Roya, je serai jamais ton frère. Au lieu de me parler rebeu, mets plus de frites dans mon grec. Je suis sincère, enfin c'est ce que tu croyais. Je t'ai dit que je kiffais ton son, t'as cru que c'était vrai. Je veux pas prendre de photos avec toi, viens pas me casser les pieds. Je veux gérer la boîte de ma meuf, mais faut pas le répéter. Non, je crois que tu n'aimes. J'aimerais tant que ça s'arrête. Cool. Je veux être psychologue pour savoir ce qui va pas dans ma tête. Je veux des Nike à volonté et passer mes nuits au grec. Avec des mille fées, des BBW au négro, mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Tu sais quoi, Renoir? Ma maison 10 m'a jamais bloqué. Je voulais juste pas poser avec toi. Pourquoi la caissière prend ma canette par le haut? C'est immonde. Arrête de courir après le bus, je suis pressé. Je veux pas que tu montes. Non, non. Les noirs disent jamais non, c'est abusé. Je t'ai proposé un bout de mon grec car je croyais que t'allais refuser. Ah ah, je suis pas ton pote. Non, je sais pas ce que t'as cru. Si je traîne avec toi, c'est seulement parce que t'as une voiture. Merde. Ouais, pas de dire. J'aimerais tant que ça s'arrête. Je veux être psychologue pour savoir qui va pas dans ma tête. Je veux des Nike à volonté et passer mes nuits au grec. Avec des mille fées, des BBW au grec. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ayo Blasta. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. que dans ma tête. Je crois que je suis devenu fou, j'aimerais tant que ça s'arrête. Je veux des Nike à volonté. Ouais, je m'agalie. Ah ah. Hey, je crois que je suis un enfoiré. Mais franchement, ça me plaît. Je pense pas que t'aimerais vraiment savoir tout ce qui se passe dans ma tête. Je rêve d'épouser Janet Kyle, vivre de viande et d'eau fraîche. Et de lui mettre la crème chantilly sur les lèvres. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Yeah. Yeah. Ça se passe que dans ma tête. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ouais. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Hey, hey. Ça se passe hey. Que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Négro, ouais, je blastard, c'est comment? Dans ma tête, à l'instant, Dinos Punchlinovic avec nous. Dans ma tête, il y a encore plein de trucs. Et là, il y a quoi justement? J'ai demandé, il y a quoi là? Par exemple, ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un concert en tête? Non, il y a plein de phases dans ma tête que j'aurais pu sortir et que je sais même pas dire. Plein de phases, franchement. C'est vrai? Ouais. Tu veux les garder pour demain? Je sais pas. Des phases de. Quand je prends les escaliers, c'est pas parce que je veux faire du sport, c'est que la voisine elle pue en fait. Et par exemple, ça c'est dans ma tête. Mais j'ai dit bonjour. Je vais pas être bloqué avec elle dans l'ascenseur. Ouais, voilà. Je comprends. Il y a plein de choses comme ça dans ma tête, frère. Dinos Punchlinovic avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. L'EP s'appelle Apparence. On dit EP, mais il y a quand même mon site, mine de rien, tu vois. Ouais. Vous allez pas être déçus. C'est mon type de EP à moi, on va dire. Allez-y, allez cliquer, vous pouvez le récupérer. Il n'est pas sorti en physique, il n'est pas sorti en CD. Il ne sortira pas en CD, seulement en digital. Exact. Donc allez vous procurer le EP Apparence de Dinos Punchlinovic. Dites-nous aussi ce que vous en pensez avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani dans toute la France. Et c'est Priscilla de Bussy-Saint-Georges qui vient faire tourner. Salut Priscilla. Salut, bonsoir. Bonsoir, je te présente Dinos, notre invité. Bonsoir Dinos. Ça va Priscilla? Comment ça va? Ça va, écoute, en pleine forme toi aussi. Tu penses ça que va, tu vas gagner Priscilla? Comment? Tu penses que tu vas gagner? Bah écoute, il faut hein. Eh ben on fait tourner. En tout cas j'ai la patate. Eh ben ça tombe bien, oh là là. Priscilla. Allez, on fait tourner. Hey, crie le plus fort possible. Il y a des places pour aller voir la collègue de Dinos sur scène. Crie pas stop, crie aga. Là t'es sûr que tu vas gagner. Crie quoi? Crie aïe. Aga, aïe, aga. Ouais, tu peux crier. Aga, dis aga. Aga. Voilà. Attention. Deux. Aga. Voilà. Alors là, si attends. Priscilla. Oui. Eh ben c'est direct deux places pour aller voir Nawel. Nawel Madani. Oui. Qui pour l'instant est en tournée dans toute la France. Enfin ça va débuter là à partir du 21 mai un peu partout dans toute la France. Et c'est pour toi deux places, tu vas passer un moment. Incroyable, tu l'as vu ta collègue ou pas sur scène? Je dis ouais. Collègue parce qu'elle est chez Def Jam Comedy. Oui, oui j'ai vu, ouais. C'est vraiment lourd. Ah bah voilà, Priscilla, tu y seras. Super, merci beaucoup, vous êtes super. Je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, dédicace à Malox qui est en train de m'écouter, à John, à Anaïs, Sandy, Théo, mes parents, même mes parents, ils vous écoutent, vous déchirez. Ah bah voilà, radio familiale, ça fait plaisir. Voilà. Bah bisous, c'est tout. Merci. Priscilla, on a fini? Et tous ceux qui me reconnaîtront, il n'y a pas de souci. Au revoir, bisous, aussi là. Ciao. Passe une belle soirée, merci à toi, merci Dinos pour cette soirée aussi. Ah, vous bloquez sur les photos depuis tout à l'heure. Non, je sais pas. Il y a des photos de filles bizarres, tu vois. Mais non, c'est les filles qui envoient des photos, qui ont envie d'envoyer des photos. Pourquoi elles envoient des photos, parce qu'elles ont envie. Pourquoi pas? Regarde, Ryan. À l'aide, j'ai deux mecs. C'est chaud patate. Je sais pas quoi faire. Eh bah, écoute. Bah, prends-en un troisième. Jamais 203 en même temps. Jamais 203, j'allais le dire aussi. Putain, on a les mêmes références parfois. C'est inquiétant. S'il y a la même chose dans ta tête que dans la mienne. Ça se passe que dans ta tête. Dans notre tête. C'est un peu flippant. Bon, bah, bon concert. Allez, hop, sur scène, direction les gars. Hop, hop, hop, hop. On y va vite. Aux 3 Baudets à Paris pour retrouver maintenant Dinos Punchlinovic. Merci. Demain, par contre, tu seras là à l'heure. On fera le débriefing du concert. Je te dirai que c'était comment c'était. Eh ben, on fera le débrief demain entre 20h et 21h sur Skyrock. Et là, il est grand temps de retrouver toute l'équipe de la Radio Libre. C'est parti. Eh oui. Yes, Fredo. Hello, des foules. Oui, Fredo. On est là. Après les 3 bonnets, les 6 bonnets, on nous dit sur SMS. Merci pour le message. C'est sympa. En effet, on est là. C'est parti jusqu'à minuit. C'est Radio gentil, Libre. Ouais. On arrive tout de suite. Fredo et Dino Punchlinovic, c'est demain le retour. Ouais. Juste avant 20h sur Skyrock. La Radio Libre arrive tout de suite. Une seule.